exemple, el seu estil era meitat cançó, meitat tradicional, tipus Charles Aznavour, Jean Guidon i Pierre Lapointe, i també la meitat de la generació del hip-hop. L'han comparat, com us dèiem abans, amb una de les seves influències, amb aquest Stromae, que també ens ha portat tan bona música al llarg del temps. Escoltem aquesta darrera cançó d'Eddie De Pretto, que avui ha obert el nostre programa de Olala Music. Tu es belle, immense, diverse, colérique, éclectique, tatouée de nique. Tu parles fort, polémique et crée panique. Tu es violente, sans pitié, cryopédée. Tu es populaire, souriante et quadrillée. Pédagogue, au carré et bétonnée. Tu es aussi craintif, de feu plein les yeux, électrique. Tu es fleuri, rempli de pâquerettes et d'incendies. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. Insulte des mères, viole des frères, te bat pour tes terres. Te sens concerné, comme touché, de la tête aux pieds. Il te pousse des ailes, ambitieuses et ravageuses. Que tu dépucelles de haine, de force vénéneuse. Tu es voilé, sous un tissu, couleur dorée. Sous-estimé, tu brilles de frénésie et de fierté. Sur tout ton corps sont tatouées des perles d'or. Que tu gardes à tort mais flatte la rue, la mise à mort. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques. Pareil, tout est bien plus beau. Du pareil au même, mais tout est bien plus faux. Ici, dans le palais, tout est bien plus grand. Dans mon simple appareil, mêlé au ricanement des gens. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Favorite, je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques. Je garde toutes tes briques. N'escoltarem més de cançons perquè hi ha altres senzills importants amb la trajectòria artística, de moment a les Barceloles, però ja importantíssima, amb aquest número 1 a França, en la música d'Eddie De Pretto, i aquest seu primer àlbum amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar. És el moment de sentir la col·laboració del nostre bon amic Àngel Rodríguez, de nou entre nosaltres, portant-nos bona música. Benvingut, Àngel. Com ens va, mon ami Rafael? Què tal, Rafael? Aquesta és una peça la que avui us recomano, de gran èxit, almenys va tenir gran èxit a finals del 2017. Es diu Porto Vecchio i la interpreta Julien Doré. Julien Doré va néixer l'any 1982 a la població d'Ales, a la regió de l'Occitània, i es tracta d'un dels nous compositors de la nova fornada de la música francesa, guanyador l'any 2017 del programa de la televisió Nouvelle Star, una mena de la nostra Operación Triunfo. Una dada a tenir en compte, es declara vegetarià. Amb tots nosaltres, Julien Doré. Esteu escoltant Ulala Music. Records musicals també a través del nostre programa, els tres propers que escoltarem, amb Lenny Escudero, amb Amelie i amb Pascal Danel. C'était jour de Saint-Jean, fête des amoureux, à l'auberge des vents, après le dernier feu. Y avait ladits battants venus boire leurs écus, et c'était Petit Jean qui en avait le plus. Ils étaient Teddy Bryant qui s'en foutait du Nord, et c'était Petit Jean qui braille le plus fort, et même de temps en temps, pour tous ses compagnons, il y avait Petit Jean qui poussait la chanson. Que vous êtes jolie, je donnerai ma mie pour une de vos folies le restant de ma vie. Sur la table, les dés désignaient qui boirait, désignaient qui paierait ce que l'on boirait, et les dés en roulant désignaient les vaincus, et c'était Petit Jean qui en buvait le plus, et les dés en roulant désignaient qui paierait, et y avait Petit Jean qui ne payait jamais, les ivrognes perdants qui pleuraient leurs écus disaient à Petit Jean: t'as une veine de pendu. Mais Petit Jean, toujours à mi-chemin des cieux, chante et rêve d'amour le bon Danube bleu. Vive le sang de la treille, on en a jamais trop. Patron, laisse la bouteille, apporte le tonneau. Et Bacchus officiant, c'était rire sonore, et c'était Petit Jean qui riait le plus fort. Mais le vin lentement a mis les cœurs au trou, et y a plus que Petit Jean qui reste seul debout. Des deux mains s'appuyant sur le bord du comptoir, je m'appelle Petit Jean, je veux encore à boire, je veux chanter encore, mais chante pas pour les morts. Et cette chanson-là, je vais la chanter pour moi. Je voudrais tant, ma mère, que tu ne sois pas femme, et pouvoir dire enfin qu'elles sont toutes des putains. Je voudrais tant, mon père, ne pas t'avoir connu, et pouvoir dire enfin nous sommes tous cocus. Je voudrais tant, ma mère, que tu ne sois pas femme, et pouvoir dire enfin qu'elles sont toutes des putains. Mon frère, je t'aime bien, tu serais pas né ici, je pourrais dire enfin j'ai connu un ami. Je voudrais tant, ma mère, que tu ne sois pas femme, et pouvoir dire enfin enfin qu'elles sont toutes des putains. Je voudrais tant, ma mère, que tu ne sois pas femme, et pouvoir dire enfin qu'elles sont toutes, qu'elles sont toutes, qu'elles sont toutes. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, Rachel. Choses qui m'échappent, tant de toi que je ne connais pas. Fais-moi une place sous ton écharpe, je t'en prie, raconte-moi. T'es toujours la jeune fille qui s'amuse avec le temps, ne s'éteint pas l'enfance qui brille dans les yeux d'une grand-maman. Tu berces encore les enfants, tu les berces même s'ils ont du grain. Tu fais d'une larme un printemps, dès lors le sourire béat. C'est beau, profite à fond du temps. Cher mari de la femme que j'aime, je t'écris pour te dire à quel point, moi, je t'envie. Quand elle s'en va de chez moi vers minuit, pour aller chez toi, je pense, quel gâchis. Cher mari de la femme que j'aime, c'est pas drôle. Elle dit qu'elle s'ennuie quand tes mains la frôlent. Elle dit qu'elle a trop de rêves en retard et des années sommeil dans les placards. C'est fou ce qu'elle me donne, c'est fou comme je suis bien. La raison déraisonne et je ne regrette rien. Elle me dit fais-moi danser et l'on danse. C'est plus beau que tous les dômes de Florence. Je ne savais pas j'étais sous, j'étais mort. J'ignorais qu'on pouvait aimer si fort. Cher mari de la femme que j'aime, douloureux. Elle t'a dit qu'elle s'en allait droit dans les yeux. Alors tu cries, tu condamnes, c'est facile. Entre deux éclats de pluie, sous tes cils. C'est fou ce qu'elle me donne, c'est fou comme je suis bien. La raison déraisonne et je ne regrette rien. Elle a dû prendre un aller pour ailleurs. Elle nous a laissés comme ça, sans couleur. On se retrouve, toi et moi, pas malin, à croire qu'on ne part jamais pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Aquesta era la música que ens portaven Lenny Scudero, Rachelle, Emily, des d'un disc publicat amb música més contemporània, com era el 2016, Les Edats i aquest gran mamang que escoltàvem, i també Pascal Danel, amb una altra de les cançons que des del 2007 i des de l'àlbum El cor de les dones ens portava. Ara és el moment de la col·laboració de l'Àngel, en Ciril Torres. Avui en Ciril no el tenim entre nosaltres, però sí que ens ha deixat una de les seves cançons, de les seves propostes, perquè l'escoltem amb aquest espai. Concretament, On Saurà Jamé és una cançó que ens porta a la formació Soha, des del 2007, i en el qual, doncs, de Dissi Dalier escoltem una de les cançons que són recomanades per en Ciril i que ben aviat tornarà a estar aquí al nostre costat per portar-nos les seves impressions, les seves cançons. Je te le demande plus fort, plus fort. Solo puedes contestar. Encore une fois, c'est trop tard. On ne saura jamais. Whatever people say. Comment empieza l'amour? On ne saura jamais. Oh, baby, come what may. Pourquoi love is never pour jolis souvenirs de Bangkok, Bangkok. Qu'est-ce que je peux inventer encore? If I live, will you love me more? A mí me gusta mucho Venice, Venice. But you love the girls from Paris, Paris. Il fait trop froid ou trop chaud. Y todo es tan complicado. On ne saura jamais. Whatever people say. Després de la col·laboració amb el format d'aquesta cançó, amb el programa d'avui d'en Ciril Torres i aquesta cançó de Soha, passem a un altre dels àlbums recomanats del nostre espai. En aquest cas es tracta de la revelació de l'escena musical francesa en el debut del 2017 de la Juliette Armanet, nascuda el 4 de març de 1984 a Lille i que és una autora, compositora i intèrpreta francesa que a més toca d'una manera excepcional el piano. Aquesta artista ja va realitzar alguna cançó anteriorment, però també ha participat com a actriu i com a cantant debutava amb El petit ami, que després va veure una edició de luxe el 2018, però ho va fer-ho amb un àlbum el 2017 i va ser una d'aquestes revelacions que us comentàvem abans. ja s'havia donat una mica a conèixer amb unes versions com la cançó Je te sens venir, que era una versió en cover en francès, un reprise de la cançó I Feel It Coming, també participant a la banda sonora d'una pel·lícula de 50 Shades Freed, amb la cançó en francès que es troba a la banda sonora original. Avui escoltem alguna de les seves cançons, com per exemple aquest èxit a França anomenat L'amor en solitari, Juliette Armanet. Solo dans ma peau sur la plage, je m'allège au mélo, je drague les nuages. Solo dans ma fête, c'est dommage, et tu c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots. Tot, ja ho podeu veure. Bé, com us comentàvem, a la banda sonora de 50 Shades Freed, de la banda sonora original, hi trobem, des del 2018 també, una cançó cantada en francès, És ta meilleure ennemie, una cançó en la qual la nostra protagonista, la Juliette Armanet, comparteix protagonisme amb la Samantha Gongold. Ah. continua al nostre costat i amb la Julieta Armanet seguim. Per cert, que hi ha amb aquest àlbum que està triat com una de les grans revelacions del 2017 a França, una cançó amb en Julien Doguer, que abans ens portava l'Àngel Rodríguez. És La carta postal, des d'aquest àlbum, des d'aquest petit ami. Dans mon corps, j'ai rêvé si fort le papier sous mes doigts. Je sais, je dors, j'hallucine ton nom et ton adresse. Et sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. Cette image, je la trouve jolie. Peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir. Je n'ai rien à te dire. Je veux juste t'écrire, t'écrire. Je dessine ton nom et ton adresse. Música d'aquesta gran protagonista ens acompanya amb el nostre programa. Estem arribant a la recta final i entre el disc i les seves excel·lents cançons que l'han donat a conèixer, nosaltres també ens quedem per acabar la presentació d'aquest artista a través d'Olala Music amb la versió que va fer a través de l'àlbum Listen to the Difference. Escolteu la diferència. Grans èxits. Escolteu la versió francesa. I Feel It Coming. Aquesta cançó, la Julieta la va cantar d'aquesta manera. Je te sens venir. Sans détour, voilà, j'aimerais faire l'amour toute la nuit, tout le jour. L'amour avec toi, c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour. L'amour avec toi, sous la pluie, mon cœur coule tout. Encore et nos destins s'enroulent. Non, j'en veux encore. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent. Non, n'en aie pas peur. Je te sens venir. Je te sens venir. Je te sens venir en moi. Je